clair de la lune. Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. J'ai perdu la mienne dans les forêts vosgiennes. Et si tu la croises un jour dans les vents, écrire sur la voise celle qui marque les temps. Laisse-la s'envoler, prends-lui sa liberté. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Que le vent l'emporte aux yeux de tous les dieux. Assis sur la lune, mon ami Pierrot attend l'amertume qui vient de cet amour. Ses yeux ne se lèvent, il reste dans ses rêves. Quand il voit passer la lueur d'une étoile dans l'immensité de cette belle toile, il n'oublie jamais, son cœur est libéré. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Que le vent l'emporte aux yeux de tous les dieux. Un jour tu verras mon ami Pierrot. La viendra, on ira boire un pot, boire une ou deux bières, se marrer.